Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Édouard VIII et Wallace Simpson ou quand un roi renonce à sa couronne par amour. I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. C'est le 11 décembre 1936 que le roi Édouard VIII annonce à ses sujets qu'il renonce à la couronne britannique par amour pour Wallace Simpson. Édouard VIII devient ce jour-là le roi ayant eu le plus court règne de toute l'histoire de la maison des Windsor. Il n'aura régné sur l'Empire britannique qu'un peu plus de 46 semaines. Si son abdication peut vous paraître d'un grand romantisme, elle met surtout fin à une crise politique et constitutionnelle majeure en plaçant à sa succession son frère, le roi George VI. Je me tourne vers Son Altesse Royale pour lui demander ce dont elle se souvient particulièrement de cette période. Car si le roi avait ses problèmes, vous aviez les vôtres, et pour ne pas influencer la décision royale, vous avez dû quitter le territoire britannique. Oui, je suis venu en France. Et j'ai téléphoné, j'ai dit tout me possible de, qu'il reste au trône, n'est-ce pas? Vous étiez contre l'abdication? Oh oui, contre l'abdication. Et vous vous êtes retrouvé quand après cet acte? Nous sommes séparés pour 6 mois. Le duc était en Autriche et moi j'étais en France, à Cannes. Puis, au mois de juin 1937, il y a eu votre mariage au château de Condé. Près de Tours. À l'issue duquel vous avez demandé à la presse, à la radio et au monde entier de vous laisser en paix. Oui, c'est vrai, oui. Mais ça peut arriver, ça ne va jamais en paix. Wallace Simpson et le duc de Windsor, qu'on entend rire à la fin de cet extrait, dans une entrevue accordée à la télé française en 1966, c'est vrai que le duc de Windsor et Wallace Simpson vont rester toute leur vie une espèce d'objet de curiosité pour une certaine presse mondaine. Pour nous raconter l'histoire du couple Édouard VIII et Wallace Simpson, je reçois James Jackson, philosophe, longtemps professeur de littérature à Trinity College de Dublin. James Jackson, bonjour. Bonjour. D'abord, quand et comment se rencontrent-ils? Ça a commencé au début des années 30. En fait, la première rencontre, elle s'en souvenait, lui probablement pas, parce que c'était simplement une personne parmi tant d'autres. Mais c'était après son deuxième mariage, un Américain, mais qui avait passé beaucoup de temps en Angleterre, qui était courtier pour sa famille. Et qui l'a introduite en fait dans la bonne société. Il avait des contacts, il était riche. Et peu à peu, c'était inévitable avec le nombre d'Américains qu'il connaissait à Londres et le prince David à l'époque, comme on le connaissait. Qui deviendra Édouard VIII. Oui, il aimait beaucoup l'Amérique. Il adorait la mode américaine et il. Et même pour l'accent, certains prétendaient qu'il était trop près des Américains. Inévitablement, il allait rencontrer dans ces cercles américains qui étaient installés à Londres. Finalement, il rencontre. Mais une de ses maîtresses, Thelma Furness, a présenté le couple. Ah bon? Ernest Simpson et Wallace. Au prince. Donc c'est une maîtresse du prince qui le présente à Wallace Simpson. Tout à fait. Et si la première rencontre n'est pas déterminante, on dit, et la légende veut que assez vite, ce soit lui vraiment qui s'entiche, qui, on le dit complètement amoureux, envoûté presque par Wallace Simpson. Puis la légende, encore une fois, veut que la sexualité soit au cœur de l'emprise qu'elle a sur lui, en fait. On ne sait pas à partir de quel moment il commençait à coucher ensemble, c'était d'avoir des relations sexuelles. Mais il avait d'abord un contact plus personnel. Il invitait le couple Ernest Simpson et Wallace dans sa résidence, tout près du château de Windsor, Fort Belvedere. Et c'était apparemment une réplique. Il avait posé une question banale à Wallace. Et Wallace a dit, mais c'est exactement ce à quoi je m'attendais, parce que tout le monde me pose une question stupide. Alors lui, personne n'avait jamais parler de cette façon quand ils étaient avec lui. Alors il était un peu abasourdi, mais attiré, parce que apparemment il voulait être dominé. Ouais. On parle toujours de ce côté dominateur chez les femmes, et elle plus que les autres femmes anglaises ou américaines. Et c'est ce qui l'a différencié des autres femmes. Alors tout d'un coup, donc, est-ce que c'était le côté sexuel ou le fait d'être dominée par une femme forte ? Femme qui a du chien. Oui, ouais. Et elle avait compris ça dès le début. Elle avait beaucoup d'expérience. Elle avait vécu en Chine, elle avait beaucoup de contacts avec des diplomates italiens, sud-américains, etc. Probablement, elle avait déjà couché avec pas mal de personnes. Et là, du côté psychologique, elle a pu deviner ce qui l'excitait le plus. Ouais. Et c'était le fait d'être dominée par une femme. Alors, elle se rencontre donc en quoi, 34 À peu près 34, oui. La première rencontre, si on peut dire, avec la famille royale, c'est en 35, Édouard VIII. Donc, à ce moment-là, le prince présente Wallace Simpson à la famille royale. Comment ça se passe, James Jackson? C'était pendant une cérémonie. Il se trouvait au palais de Buckingham avec Wallace Simpson, avec tant d'autres personnes. Et chaque fois que le roi et la reine entrent, il y a une sorte de défilé, ils passent à travers. Les gens, parfois, ils s'arrêtent, ils reconnaissent la présence de quelqu'un. Et quand ils arrivent pratiquement vers la fin, il y a Edward. Ben, en fait, David était là avec Wallace Simpson. Ouais. Il dit à son père, « Sire, permettez-moi de vous présenter Wallace Simpson, le roi. » La regarde et c'est tout. Ouais. C'est une présentation, c'est-à-dire comme Louis XIV autrefois, le roi regarde dans la direction de la personne, fait un petit oui de la tête et il continue. Donc il n'y avait pas de conversation. Il l'ignore. En fait, oui. Mais il savait qui était là, cette personne. Il était probablement choqué de se trouver face à face avec cette dame devant la cour. Et qu'est-ce qui les choque tant? La famille royale, parce qu'effectivement, on connaît son existence, on sait maintenant qui est Wallace Simpson, à la fois au sein de la famille royale, mais dans la bonne société anglaise. Et c'est la famille royale et la bonne société anglaise surtout que cette relation choque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche à Wallace Simpson? Ah ben, le fait que, déjà divorcé, en cours de divorce pour une deuxième fois, et les deux maris étaient toujours vivants. Donc ça choquait d'abord. Mais ça choquait aussi parce que la femme, on la considérait comme une ambitieuse, elle était là, elle avait eu beaucoup d'aventures, et c'était, en peu de temps, le roi s'est fait renseigner, il utilisait les services de renseignement britanniques pour savoir exactement ce qu'elle avait fait dans le passé. Donc on découvre qu'elle est née illégitime, elle n'a jamais été baptisée, et que c'était une famille bourgeoise, mais un peu marginalisée, parce qu'elle n'avait pas d'argent, qui dépendait entièrement d'un oncle. C'est une roturière. Une roturière, en fait, oui. Donc, peu apte à assumer la position de femme du futur roi. Donc, pour avec ces rumeurs, toujours. Ah ben, les rumeurs, ça venait après. On ne sait pas si les rumeurs ont été créées par les services britanniques de renseignement, s'ils ont inventé toutes les histoires. Pendant, par exemple, avec son premier mari, elle est allée en Chine. C'est une façon de se réconcilier avec son mari. Ça n'a pas marché d'abord à Pékin, après à Shanghai. Alors, les rumeurs prétendaient qu'elle avait appris certaines méthodes dans les salons de massage ou même dans les bordels. Mais ça, c'est plus croustillant. Alors, bien sûr, c'est ce qui excitait les gens. Alors, il y a le côté sexuel. On ne sait pas. Mais il y a ce côté où on la soupçonne d'être, pour revenir à ce que vous disiez, on l'aperçoit comme une ambitieuse. Et on se dit, ça peut peut-être même passer par ces méthodes de massage éventuellement qu'elle aurait apprises en Chine. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'on la soupçonne de manigancer, d'envoûter, au fond, le prince. Le mot « envoûter », en fait, il y avait beaucoup de mots utilisé à l'époque, ensorcelé par magie, par sorcellerie, c'est-à-dire, il s'est laissé, les gens qui les entouraient, parfois c'était les maîtresses délaissées, alors on ne peut pas toujours se fier à leur récit, mais ils disaient que quand ils couchaient ensemble, ce n'était pas un grand amant. Oui. Donc on dit, mais forcément, il faut que Wallace Simpson ait certaines capacités, certains talents. Mais personne ne pouvait croire, personne n'avait jamais vu une personne sous l'influence d'une femme comme on voyait avec Edward. Le roi George V, meurt le 20 janvier 1936. Édouard VIII devient roi du Royaume-Uni. Mais ça veut dire quand même que pour lui, l'heure des choix a sonné, compte tenu de ce débat déjà qui court. Est-ce qu'il peut être le roi en fréquentant et en voulant marier Wallis Simpson? Quelle stratégie il adopte à ce moment-là, James Jackson, Édouard VIII? L'attente. L'attente, il ne savait pas comment s'y faire. Juste avant de sa mort, George V avait dit à Baldwin, qui était le premier ministre du Parti conservateur, « Après ma mort, ce garçon va s'uriner en un an. » Et il avait raison. Donc, il voyait déjà. Donc, déjà, Baldwin était convaincu que le Edward, en fait David, n'était pas apte à assumer les responsabilités. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas du tout. Non. Quelle va être sa stratégie à Baldwin? Il y aura un entretien qui va devenir, je pense, un peu célèbre, où les mots sont très, très durs, où il parlera à Édouard VIII de Wallis Simpson en disant « Cette femme-là, je paraphrase, mais n'est pas faite du bois dont les reines sont faites, en gros. » Par des intermédiaires, on essaie d'interroger le prince. Ah ben, le roi. Mm-hmm. Mais quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette dame? Alors, il a dit, on va attendre, parce que dans son esprit, il voulait en fait l'épouser. Il a dit ça à plusieurs personnes, je vais épouser cette femme. Mais c'était comme peu à peu le secrétaire privé du roi, l'écuyer, plusieurs personnes. En fait, la cour qui entourait le roi essaie de lui faire comprendre que c'était probablement pas possible. Mmh. Donc, on citait ce que disait l'archevêque de Canterbury, le primat de l'Angleterre, ce que disait la famille royale. Donc, il y avait sa mère, Queen Mary, qui refusait de rencontrer Wallis Simpson. Et lui, il a dit, mais il suffit de la rencontrer, vous allez voir, elle est charmante, vous allez tomber sur son charme. Mais non, donc son attitude, quand on voit, quand on lit, c'est ce qu'on disait, ce qu'on écrivait, c'était l'attente. On va espérer, on va espérer que peu à peu, on va s'habituer à la présence de cette dame à mes côtés. Mais ça n'arrivera pas parce qu'il y a une opposition de la famille royale, il y a une opposition politique du gouvernement en place, du premier ministre Baldwin. Puis pour finir sur cette anecdote, quand Baldwin rencontre Édouard VIII, il est roi à ce moment-là, il lui dit « Cette femme-là n'a pas ce qu'il faut pour être reine. » Et Édouard VIII réplique « Donc, je peux en faire ma maîtresse, mais elle ne peut pas devenir reine. » Et Baldwin rétorque « Vous couchez avec qui vous voulez. » Et c'est à peu près les mots qu'il lui dit. « Vous pouvez coucher avec votre maîtresse peut une prostituée, si vous le voulez, mais la reine d'Angleterre, c'est l'affaire de la nation. » Donc, on voit le ton que ça donne. On écoute Édouard VIII à cette entrevue, toujours à la télé française, parler du premier ministre Baldwin et de Churchill qui sera derrière lui. Je voudrais me retourner vers Son Altesse Royale pour lui demander si elle n'a conservé aucun ressentiment envers M. Baldwin. Non. Non. Monsieur Baldwin a fait son devoir tel qu'il l'entendait. Non, je n'ai aucun ressentiment envers lui. Mais vous avez eu des relations toujours amicales avec Winston Churchill. Monsieur Churchill avait essayé de prendre votre défense dans ce drame qui était le vôtre, et il n'a pas pu le faire en raison de l'opposition de la Chambre des communes. Comment expliquer la réaction? Churchill est à peu près le seul, je pense, à appuyer Édouard VIII. Pourquoi, James Jackson? Il était royaliste. Il avait toujours... En fait, pour lui, ce qui est important, c'était l'Empire. Il a toujours défendu l'Empire. Et pour lui, c'était la pierre sur laquelle était construite l'Empire, c'était la monarchie. Ouais. Alors, si la monarchie tombait en ruine, c'était la fin de l'Empire. Et la succession, pour lui, normale, c'est Édouard VIII. Oui, mais... Il craignait en fait le scandale, le fait d'un roi qui abdique, qui refuse son trône, ça pourrait nuire en fait à l'institution monarchique. Et c'était peu importe qui allait remplacer Edward, c'était moins important que le fait d'appuyer en fait la monarchie. Mais là où c'est étonnant, venant de Churchill, qui déteste les nazis, qui déteste Hitler, c'est qu'on sait déjà, et on saura encore plus par la suite, que et Edward et Wallis Simpson ont des liens avec le régime Mussolini, avec le régime nazi. Tout à fait, non seulement avec le régime nazi, mais il s'est laissé inviter C'était celui qui leur avait passé en fait le château de Candé où ils se sont mariés 4 mois plus tard. C'était le régime nazi qui paye sa visite en octobre en Allemagne où il rencontre Hitler, il rencontre Goebbels, il rencontre Ribbentrop. Pour Hitler, c'était le seul espoir d'empêcher l'Angleterre d'entrer en guerre. Mais Churchill voit bien ça avant. On en entend des rumeurs autour de cette sympathie du couple. Je crois qu'il préférait se cacher les yeux. Ouais. Parce que ça, c'était connu. En fait, il était devenu beaucoup plus anti plus tard, après la déclaration de guerre. Edward, qui était en France, il avait le rang de major général, mais lui, il commençait à contacter des Allemands, sa famille, ses cousins, et on prétend qu'il a même révélé certains détails de la défense belge, par exemple, contre les Allemands, ce qui a permis aux Allemands d'entrer par les Ardennes et conquérir la France. Donc, on revient à cet imbroglio. Il décide finalement, Édouard VIII, d'abdiquer. Il abdique le 10 décembre 1936. Il l'annonce aux Britanniques à la radio le lendemain, le 11 décembre 1936. Comment réagit la population britannique à cette abdication, James Jackson? On a trouvé dans les archives des milliers de lettres envoyées par des Anglais qui disaient « Il ne faut pas abdiquer, vous êtes notre roi ». Donc, il y avait une popularité, certes, mais Baldwin, le premier ministre lui disait, mais le pays n'accepterait jamais votre décision. Il a cru Baldwin, finalement. Il a cru, oui, parce que chaque fois, il n'avait pas le moyen de savoir toutes ces lettres qui se trouvent maintenant dans les archives britanniques, qui ont été publiées par milliers. Et chaque fois qu'il venait, ce n'était pas très souvent qu'en Angleterre, il était toujours applaudi. Oui. Mais on ne savait pas exactement ce qu'il avait fait pendant la guerre et pendant qu'il était au Bahamas comme gouverneur. C'est-à-dire maintenant, on découvre de plus en plus que probablement c'était la trahison. Indiscrétion, naïveté. Oui. Sauf que le résultat, c'était qu'il était trop proche des Allemands et il est impossible de le garder comme roi. C'est facile de réécrire l'histoire, mais finalement, en vous écoutant, Baldwin avait du flair. A peut-être pas eu tort de l'écarter du trône. Évidemment, la conséquence, c'est que son frère, qui ne doit pas normalement devenir roi, devient roi. George VI devient roi à la suite de l'abdication d'Édouard VIII. En un mot, quel genre de roi sera-t-il? Il sera, pour sa femme, c'était la cause de sa mort prématurée. Il n'était pas apte à assumer ses responsabilités. On sait, son bégaiement, il était trop timide. Et c'était pas la personne. Oui, mais il aurait, n'est-ce pas, Wallace et Edward n'avaient pas d'enfants. Donc après leur mort, ça aurait été quand même, mais ça aurait été un peu plus tard. Ouais. Et ils auraient pu s'habituer à l'idée. L'autre impact, évidemment, à la mort, effectivement, il ne porte pas cette pression, il en meurt, le brave George VI. C'est Élisabeth, donc, qui elle non plus n'était pas destinée à devenir reine, Élisabeth II qui devient reine. C'est l'effet domino, là, qui se poursuit de l'effet de cette abdication d'Édouard VIII. Elle lui en fera, si on se fie en tout cas à la série The Crown diffusée à Netflix, série récente réalisée par Peter Morgan, elle lui en fera, Élisabeth II, le reproche de ça à son oncle. Ça ne vous manque pas? Quoi? Votre pays de naissance, votre peuple, votre chair et votre sang. Eh bien, je n'aurais jamais abdiqué s'ils avaient accepté la femme que j'aime, mais ils ne l'ont pas fait, alors je suis parti. Donc l'ancien roi préfère garder ses distances. On m'a imposé de garder mes distances. Il voulait que je parte. Et affubler tout le monde de surnoms moqueurs. Shirley Temple? En général, nos reines ont toujours été meilleures que nos rois. Je suis absolument persuadé que vous ne dérogerez pas à la règle. J'ai l'intention de faire de mon mieux. Je l'avais aussi. Apparemment pas assez fort. Vous ne vous excusez jamais? Je me suis excusé auprès de votre mère. Je peux vous montrer les lettres? Je ne parlais pas d'eux. Je parlais de moi. Vous ne trouvez pas que je le mérite? Vous ne pensez pas que j'aurais préféré grandir loin des projecteurs, loin de la cour, loin du regard de tous, dans l'anonymat. Une vie toute simple, une vie heureuse, une vie de femme et de mère. La vie d'une Anglaise ordinaire. suis désolé. On comprend bien que la tension, elle est très forte entre Elizabeth et son oncle, entre la famille royale. Quel genre de relation, en fait, ça va donner entre Edward Wallace et la famille royale après l'abdication, James Jackson? Ah, c'était affreux. Affreux. Ils ont refusé de le recevoir. Chaque fois qu'il voulait aller en Angleterre, c'était au bon volonté du roi. Donc, on lui a dit, si vous venez, et si je dis non, hein, on va enlever votre argent. Hein, de pension qui la rente, là, qui recevait. En fait, il avait une condition. Il fallait que sa femme porte le titre d'altesse royale. En fait, c'était son droit. Parce que la femme prend toujours le statut de son mari. Mmh. Il était fils d'un roi, donc elle est. Donc, ils ont inventé ce système entre le gouvernement, la reine Elizabeth et George VI pour refuser ce statut. Lui, et c'était la plus grande revendication de leur vie. Ça ruinait tout. C'était une insulte de tous les jours. Et le gouvernement empêchait les ambassadeurs à l'étranger d'utiliser le mot « Altesse royale ». Ouais. Dans l'extrait qu'on vient d'écouter, le français parle de son Altesse royale. Eh bien, le personnel l'appelait toujours. C'était son droit. Ouais. Et c'était illégal, mais c'était encore... Parmi les mensonges de Baldwin, il a dit « Vous n'avez pas le droit, c'est au George VI de vous accorder ce droit. » Et de fait, Wallace Simpson, avant la mort d'Edward, en fait, du duc de Windsor, elle ne mettra jamais les pieds à Buckingham Palace. Dernière question, avait-il raison d'abdiquer? S'est-il comporté en roi en abdiquant? Que fallait-il faire? Il aurait dû renoncer à cette personne. Parce que si c'était le grand amour, hein, Churchill a dit que c'était la plus belle histoire d'amour de l'histoire, et lui c'est un historien, j'ai l'impression que c'était pas réciproque. Certes, oui, c'était la grande passion de la vie d'Edward VIII, mais pas de l'autre côté. Mm-hmm. Elle avait trop d'aventures dans sa vie. Il aurait dû y rester, parce que les résultats auraient été le même hein, s'il avait épousé, il aurait pu garder comme maîtresse, sauf qu'il a dit que ce serait de l'hypocrisie. Oui. Mais en fait, dans sa vie, il y avait beaucoup d'hypocrisie. C'était un couple narcissique, égocentrique, dissolu. Les gens préfèrent la légende qu'à la réalité. James Jackson, philosophe, historien, professeur de littérature pendant des années au Trinity College de Dublin. Merci infiniment. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.